À l'occasion du 20e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de secrétaire général du Parti du Travail de Corée et du 62e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, le Comité national d'études des idées du Juche du Congo démocratique a fait paraître le 26 septembre un numéro spécial de bulletin. Le bulletin a exposé le portrait en sourire du général Kim Jong-il et présenté dans un écrit titré « Leader éternel du Parti du Travail de Corée » que le général élu le 8 octobre 1997, secrétaire général du Parti du Travail de Corée, a développé le parti en celui du président Kim Il-sung et en force inspiratrice de la révolution de Sun-gun et l'a conduit à la victoire.